Sans sortir de ma maison, je connais l'univers. Sans regarder par ma fenêtre, je découvre les voies du ciel. Plus l'on s'éloigne, et moins l'on apprend. C'est pourquoi le sage arrive où il veut sans marcher. Il nomme les objets sans les voir. Sans agir, il accomplit de grandes choses.